comme c'est agréable de rentrer dans un restaurant où ça sent bon le plat cuisiné. Oh, maître d'hôtel, ben je vous félicite. Oh, comme c'est agréable. Où il y a des nappes blanches, où vous avez des serveurs qui sont bien impeccables, comme c'est agréable. Souvent, en rentrant dans des restaurants, ça sent la graille. On a envie de partir en courant. Et chez vous, ça sent bon le plat cuisiné. Ça met un appétit. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger, monsieur le maître d'hôtel? Ce que vous voulez, monsieur. Un steak avec des frites? Oh ben non. Pour une fois que je suis dans un restaurant où ça sent bon le plat cuisiné, ça sent comme à la maison, quand ma maman faisait la cuisine dans le temps, quand j'étais petit. Ça met un appétit. Installez-vous ici, monsieur. Voilà le menu. Qu'est-ce que je vais manger? Ce que vous voulez, monsieur. Un steak avec des frites? Oh, ben non. Pour une fois, je suis dans un restaurant où ça sent bon le plat cuisiné. Oh, ben il y en a du choix, dites-donc. Oh. Puis derrière, on a écrit aussi. Oh. Et là-dedans, qu'est-ce que je peux manger dans toutes ces lignes qu'il y a de lignes? Ce que vous voulez. Un steak avec des frites? Oh. Ah bah tiens, une petite quiche Lorraine. Comme ça sent bon le plat cuisiné dans votre restaurant, je pense que ça va être appétissant. Ça. Petite quiche Lorraine. On s'excuse, monsieur, il n'y en a plus du tout. Oui. On a vendu la dernière il y a à peu près 3 minutes. On n'en a plus du tout de quiche Lorraine. Oh bah c'est un bête. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger alors? Ce que vous voulez, monsieur. Un steak avec des frites? Oh. Pour une fois, ça sent blanc, la cuisinée, monsieur. Oh, tiens, du pigeon d'Annemasse. Il n'y en a plus du tout, monsieur. À Annemasse, il n'y a plus de pigeon. Si vous voulez trouver du pigeon, il faut aller à Divonne. Là, je ne peux pas aller à Divonne pour manger du pigeon, quand même. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger, alors, chez le maître d'hôtel? Ce que vous voulez. Un steak avec des frites? Oh. Même, alors, avec un joli menu comme vous avez, avec 6 pages, tous les côtés, c'est écrit, il y en a de ces mots compliqués. Il y en a même, là, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Ah bah tiens, je prendrais bien alors une douzaine d'escargots alors. Alors ça, monsieur, on s'excuse alors. Plus du tout. Il en restait un escargot. Quand il vous a vu arriver, il est parti en courant. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir manger alors? Ce que vous voulez. Un steak avec des frites? Oh! C'est une petite côte d'agneau. Ça, c'est une erreur de la dactylo. Parce que nous avons un nouveau chef cuisinier et sa religion l'interdit à toucher l'agneau. Il peut toucher le porc, il peut toucher tout ce qu'on veut, mais pas l'agneau. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Finissons la plaisanterie. Ça fait une demi-heure que je suis dans votre restaurant. Ça sent bon le plat cuisiné. Écoutez, messieurs les chefs de rang, pardon. Laissez-moi passer. Messieurs les maîtres d'hôtel, monsieur le directeur, madame la vestiaire, madame la téléphoniste, messieurs les pâtissiers, chef cuisinier, je rentre dans votre cuisine. Mais voilà ce qui sent si bon. Ce qui est appétissant, c'est ces petites lentilles. Oh, j'aime ça, les lentilles. Avec des petits lardons, des petites saucisses, donnez-moi un plat de lentilles. Ça, jamais, monsieur. Et pourquoi? Ça, c'est pour le personnel.